1,75 m de joie et de pureté. Un corps pourtant si mince, mais rempli de gaieté. Elle ne dit jamais rien, pourtant moi j'entends tout. Il n'y a que les crétins qui blablatent, je l'avoue. Elle a compris que vivre, ce n'était pas si lourd. Un peu comme dans un livre qui parlerait d'amour. Elle me vibre et me rince d'un sourire si parfait. 1,75 m de joie et de pureté. D'une vie qui pétille, le prénom d'une sainte, elle s'appelle Marie. J'aurais voulu la voir grandir, évoluer, pour voir son beau regard devenir ce qu'il est. Quand elle ne répond pas, c'est du pareil au même. Son silence dans sa voix veut toujours dire je t'aime, car elle m'aime comme un prince quand je la déshabille. 1,75 m d'une vie qui pétille. De bonheur et d'amour, elle répare ce qui coince, doctoresse des beaux jours. Sur la scène elle nous fige autant que dans la vie, lorsque ses mains dirigent des bouts de paradis. Elle chante comme elle bavarde, juste le pur et le bon. Et quand elle me regarde, à chaque fois je fonds. Pour finir, elle évince tout ce qui en moi est lourd. 1,75 m de bonheur et d'amour. Et le reste ne compte pas. Il n'y a qu'elle en province qui rend Paris si froid. Toutes les choses qu'elle effleure se transforment en oiseaux. Et même les pots de fleurs deviennent à fleurs de peau. Quand elle me quittera pour un autre plaisir, la vie continuera, mais amputée du rire. Et la suite, oh puis mince, je préfère la garder. 1,75 m. Et le reste, c'est secret.